télé pour pouvoir nous évader. Dans les rues, la pollution nous oblige à faire attention. On veut seulement respirer en paix, alors les chantiers du balai. Venez nous aider à sauver notre forêt. On veut la déraciner et on ne pourra plus jouer. On veut pas être enfermé et rester les bras croisés. A besoin d'aide et il faut que l'on s'entraide. Arrêtez vos machines rouillées et venez nous écouter. C'est pas parce qu'on est des enfants qu'on peut pas le dire aux grands. Et toi, touche pas à moi.